بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا، أما بعد. Donc bienvenue à tous. حياكم الله. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous. Donc on continue, inshallah ta'ala, l'explication des paraboles du Coran. Donc hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a vu 3 paraboles. Et aujourd'hui, inshallah, nous allons en voir une. Et cette parabole se trouve dans le verset 171 de sourate Al-Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction rapprochée, les mécréants sont semblables au bétail auquel on crie et qu'il n'entend que des sons et des appels. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. Donc dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'état des mécréants et leur suivi aveugle. Et pour ce faire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les mécréants sont semblables à du bétail auquel on crie et qui n'entend que des sons et des appels. C'est-à-dire que le berger les appelle et hausse sa voix pour se faire entendre. Mais pour le bétail, cela représente uniquement des voix, car ils ne comprennent pas ce que dit le berger, même si ce qu'il leur dit est dans leur intérêt. Ils ne peuvent pas profiter de sa parole. Donc lorsque le berger leur ordonne quelque chose, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent que sa voix. Pareil, lorsqu'il leur interdit quelque chose, ils ne comprennent que sa voix. Tout comme les mécréants, malgré qu'ils entendent l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'ils entendent les ordres d'Allah et ses interdits, ceci ne leur est pas profitable. Ceci ne leur est pas profitable. Et ceci n'est pas profitable pour eux, car ils n'en tirent aucun profit. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les mécréants sont semblables au bétail. Et d'un autre côté, les mécréants sont semblables au bétail, car même si le bétail ne comprend pas ce que dit le berger, ils le suivent aveuglément sans comprendre. Ils suivent le berger aveuglément sans comprendre. Tout comme les mécréants qui suivent aveuglément leurs ancêtres, sans savoir s'ils sont sur la vérité, c'est-à-dire sans savoir si leurs ancêtres sont sur le faux ou la vérité. Même si leurs ancêtres sont des polythéistes, même s'ils sont dans l'égarement, ils vont les suivre. Et de ce point de vue, les mécréants sont semblables au bétail. Sont semblables au bétail. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, même dans les dans Surat al-A'raf, verset 179, que les mécréants sont même pires que du bétail. Que les mécréants sont même pires que du bétail. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le verset 179 de Surat al-A'raf, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée du verset, nous avons créé pour la Jahannam, c'est-à-dire pour l'enfer, nombre de djinns et hommes. Ils ont un cœur, mais ne comprennent pas. Des yeux, mais ne voient pas. Des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont semblables au bétail et sont même plus égarés encore. Ceux-là sont inattentifs à nos signes. Et ici, il y a une question qui se pose. Pourquoi les mécréants sont plus égarés que le bétail? La réponse nous est donnée par l'éminent savant Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, dans le tafsir de ce verset. Il explique que les mécréants sont plus égarés que le bétail, car le bétail a été créé pour manger, et a été créé pour boire, et a été créé pour être utile pour les êtres humains. Mais ils n'ont pas été créés pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sur terre, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mangé, ils ont bu, et aussi ont été profitables pour les humains. Au contraire des mécréants, ils ont été créés, ou plutôt au contraire des mécréants en âme, ils ont été créés pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le verset 56 de Sourate Al-Dhariyat, les vents qui éparpillent, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Malgré cela, ils n'ont pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ont plutôt adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils n'ont pas concrétisé le but pourquoi ils ont été créés, au contraire des bétails. Au contraire du bétail. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oulaika kal an'ami bal hum adal » Et ceux-là sont même plus égarés que les bestiaux. C'est-à-dire que les mécréants, ils sont encore plus égarés que les bestiaux. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons le secours. Donc après avoir expliqué le sens de cette parabole, nous allons mentionner certains enseignements de celle-ci. Le premier enseignement, c'est que les mécréants sont semblables au bétail. C'est que les mécréants sont semblables au bétail. Et donc, si tel est le cas, comment le musulman peut-il vouloir ressembler aux mécréants? Comment peut-il vouloir s'habiller comme les mécréants? Comment peut-il vouloir vivre avec les mécréants? Comment pour la femme musulmane peut-elle vouloir se marier avec un mécréant, fêter leur fête et tout ce qui s'ensuit, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'ils sont semblables au bétail? Et dans sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Oulaika kal an'am bal hum adal. Ils sont encore plus égarés que le bétail. Le deuxième enseignement qu'on tire de cette parabole, la mise en garde contre le suivi aveugle. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde dans le Coran contre le suivi aveugle en utilisant plusieurs procédés. Parmi eux, en mentionnant des paraboles à ce sujet, comme dans le verset qu'on vient de voir. Le deuxième procédé, en mentionnant que le suivi aveugle, sera une source de regret le jour du jugement, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le verset 64 à 68 de sourate Les Coalisés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, donc dans le verset donc 64 de sourate Les Coalisés, Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidin fiha abada la yajiduna waliyan wa la nasira yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, Allah a maudit les mécréants et leur a réservé un brasier où ils demeureront éternellement, sans trouver ni protecteur, ni secours. Le jour où leurs visages seront tournés de tous côtés dans le feu, ils diront « Hélas !» Regardez ce qu'ils vont dire. « Hélas ! Si seulement nous avions obéi à Allah et aux messagers, ils diront encore « Seigneur !» Nous avons obéi à nos chefs. Nous avons obéi à nos chefs et à nos dignitaires. Et ce sont eux qui nous ont égarés du droit chemin. Seigneur, inflige-leur le double de notre châtiment et frappe-les d'une grande malédiction. Verset 64 à 68 de Sourate Al-Ahzab, c'est-à-dire de Sourate Les Coalisés. Le troisième enseignement qu'on tire, ou plutôt le troisième procédé qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour nous mettre en garde contre le suivi aveugle, en nous informant de ce qui va se passer dans l'au-delà entre les suiveurs et les meneurs, comme le fait que les suiveurs vont se désavouer des meneurs. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 166 à 168 de Sourate al-Baqarah, Iftabarra al-ladhina tubi'u min al-ladhina taba'u wa ra'ahu al-'adhab wa taqatta'at bihim al-asbab. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction rapprochée, lorsque les meneurs désavoueront ceux qui les suivaient à la vue du châtiment, les liens entre eux seront brisés. Les suiveurs diront: ah, si un retour sur terre nous était possible, nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. Ainsi Allah leur montrera leurs œuvres, devenues source de malheur pour eux, et ils ne sortiront jamais du feu. Mais il est très important, après avoir entendu ces preuves, il est très important de comprendre ces textes d'une bonne compréhension. Il faut savoir que ces versets sont des preuves concernant le suivi aveugle dans le faux. Que le meneur soit, par exemple, un innovateur, ou que le meneur soit, par exemple, un mécréant. Mais tu ne peux en aucun cas utiliser ces versets pour ceux qui suivent les savants dans la vérité. Car certains, parmi les gens de l'innovation, utilisent ce genre de versets pour dénigrer la méthodologie des gens de la sunna et du consensus. Et ils prétendent même que les gens de la sunna suivent les savants aveuglement. Et ceci par Allah n'est qu'un mensonge forgé. Et certains, ils vont même plus loin. Ils rendent mécréants certains grands savants de la sunna. Ils rendent mécréants certains savants de la sunna, tels que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah par exemple, ou tels que le grand savant du hadith de notre époque, Cheikh al-Albani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Puis ensuite ils te disent, sans honte ni crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les gens de la sunna suivent des mécréants aveuglement. Mais par Allah, ce genre de parole ne fait que confirmer que ce genre de personnes sont des égarés et que ce genre de personnes sont des gens de l'innovation. Car les pieux prédécesseurs reconnaissaient les innovateurs par certains signes. Parmi ceux-ci, ce qu'a mentionné un grand imam de cette communauté, qui n'est d'autre que Abu Hatim al-Razi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, il disait: min alamati ahli al-bida, min alamati ahli al-bida, al-waqi'a fi ahli al-afar. Il disait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, parmi les signes des gens de l'innovation, leur dénigrement des gens du afar, c'est-à-dire leur dénigrement des gens de la sunna. Et par Allah, toute personne qui attribue ce genre d'accusation aux gens de la sunna est vouée à être dévoilée. Ces gens-là n'ont rien à part le dénigrement. Wa kama qil at-ta'n silah kulli da'if. Et comme il l'a été dit, le dénigrement est l'arme de toute personne faible. Que leur nombre, ya Abdullah, ne t'attriste pas. Car ce sont ceux qui sont sur le droit chemin qui auront le dessus. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 171 de sourate As-Saffat, sourate les rangs, il dit « وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Notre sentence en faveur de nos serviteurs messagers a déjà été prononcée. Ce sont eux qui seront secourus et ce sont nos troupes qui obtiendront la victoire. » Versets 171 et 172 de Surat As-Saffat, donc Surat les rangs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 105 de Surat Ali Imran, il dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que les preuves manifestes leur furent venues. À cela, un immense châtiment est réservé au jour où certains visages s'illumineront et d'autres s'assombriront. Ibn Abbas, comme l'a mentionné et comme l'a rapporté l'imam Al-Lalaka'i, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, Ibn Abbas disait concernant ce verset, le visage des gens de la sunna seront illuminés et le visage des gens de l'innovation assombri. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons le secours. Donc avec ça, on a terminé l'explication de cette parabole et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ça nous soit profitable. Donc inshallah, demain, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, on continuera sur notre lancée et on étudiera une voire deux paraboles inshallah ta'ala. Wallahu al-musta'an wa bihi tuklan subhanaka allahumma wa bihamdik وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.